d'Alphonse Allais, Black Christmas. Pour audiocité.net. Prologue. Je veux bien encore, malgré mon extrême lassitude, malgré mon écœurement de tout ce qui se passe en ce moment, malgré mille déceptions de toutes sortes, je veux bien vous dire un conte de Noël. Oui, mais pas un conte de Noël comme tous les autres. Dans les coutumiers contes de Noël, il tombe de la neige, comme si le bon Dieu plumait ses anges. S'il ne neige pas dans les contes de Noël, au moins le sol est durci par le froid, et le talon des passants résonne joyeusement sur les pavés. Dans mon conte de Noël de cette année, si ça ne vous fait rien, nous jouirons d'une chaleur de tous les diables, phénomène peu étonnant quand vous saurez que la chose se passe dans une plantation de lave. Le rêve d'un nègre. Mathias, un superbe nègre d'origine cafre, d'une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup, s'étend sur des nattes dans un coin de sa case et rêve mélancolieusement. C'est demain Noël et toutes les légendes relatives à ce divin jour lui chantent dans la tête et dans le cœur. Mathias est un superbe nègre, mais c'est un nègre solitaire dont l'âme a du vague. Puis une torpeur s'empare de ses sens et voilà qu'il rêve. Ses souliers qu'il a mis dans la cheminée, en rêve bien entendu, car sa case ne comporte qu'un petit poêle économique de fabrication américaine, prennent des proportions démesurées. Ces souliers se modifient également, quant à leur forme, et tendent à revêtir l'aspect d'une gondole. Puis la gondole se met à voguer sur je ne sais quel lac d'amour, et c'est lui qui l'amène, lui, Mathias. À l'arrière, une fine brume enveloppe comme un voile. Une femme, peut-être. Oui, une femme. Un petit zéphyr de rien du tout dissipe la brume qu'absorbe l'eau du lac et Mathias pousse un cri. Cette femme est la femme qu'il aime. La belle Carteron. Imaginez un bloc de porphyre qui serait café au lait clair avec parfois des roseurs. Taillez dans ce bloc une robuste et sensuelle statue de jeune fille de 16 ans. Mettez-lui d'incontables cheveux noirs, des yeux de diamant brun, des sourcils trop fournis qui se rejoignent presque. Corrigez ce que les sourcils ont d'un peu dur par une grande bouche bonne fille et le retroussement d'un petit nez tout à fait rigolo. Vous aurez ainsi obtenu Maria Anna, la fille du planteur. Ce qu'était Mathias. Mathias n'était pas le premier nègre venu. Né dans la plantation d'anciens esclaves devenus fidèles serviteurs, son intelligence et le désir d'apprendre se manifestèrent dès le plus jeune âge. Fort ingénieux, il faisait tout ce qu'il voulait de ses doigts et des autres parties de son corps. Chimiste de première force, il découvrit la synthèse de la nicotine en faisant chauffer, en vase clos, parties égales de chaux vive, de bouse de vache, avec deux ou trois ronds de betterave. Peu après cette découverte, il recevait les palmes académiques en récompense de son beau travail sur l'utilisation des feuilles de choux dans les cigares de la Régie française. Par un contact habile et raisonné entre la feuille de choux et la feuille de tabac, il arriva promptement à ce remarquable résultat que la feuille de choux semblait une feuille de tabac alors que cette dernière aurait pu facilement être employée comme vieille feuille du noyer. Si bien qu'on pouvait dire à la feuille de chou, comme en la fable délicieuse du poète Sadi, « Pardon, mademoiselle, n'êtes-vous point la feuille de tabac ?» Ce à quoi la feuille de chou aurait répondu « Non, madame, je ne suis pas la feuille de tabac, mais ayant beaucoup fréquenté chez elle, j'ai gardé de son parfum. » Le réveillon. Chaque année, à la Noël, c'était une vieille coutume de la plantation. El señor Escargot, le propriétaire, un mulâtre fort bel homme, réunissait à sa table tout le personnel de la fienda. On soupait joyeusement à la santé du petit Jésus. On mangeait, on buvait, on trinquait, on disait des bêtises. Les personnes intempérantes avaient le droit, cette nuit, de s'enfourrer jusque-là, et même un peu plus haut. La belle Maria Anna présidait, et Mathias ne la perdait pas de vue. Pauvre Mathias. Son rêve de la journée lui avait mis des fourmis un peu partout, et c'était deux braises allumées qui lui servaient d'yeux. Chaque fois que le regard de la jeune fille croisait le regard du nègre, chaque fois, ses joues divines, porphyre, café, au lait clair, rougissaient davantage. Au matin, Mathias, fortement encouragé par l'abus des liqueurs, fermenté, alla trouver le seigneur à l'escargot et lui dit « Maître, vous savez l'homme que je suis. Je sais, mon brave ami, et je n'ai qu'à moi te dire. Le mot de Mac Mahon à un jeune homme de ta race. Continue. » « Je continuerai, maître, si vous me donnez Maria Anna en mariage. » « Et songes-tu, toi, un nègre ?» Et ce mot fut prononcé sur un tel ton que Mathias ne crut pas devoir insister. Les larmes d'un nègre. Sitôt rentré dans sa case, Mathias s'affaissa sur sa couchette et pour la première fois de sa vie, cet homme d'ébène pleura. Il pleura longuement, copieusement, des larmes de rage et de désespoir. Puis une lassitude physique s'empara de lui. Il désira se coucher. Un regard jeté sur son miroir lui arracha un cri. Ses larmes sur ses joues lui avaient laissé comme une large traînée blanche. Que s'était-il donc passé? Oh, rien que de bien simple et de bien explicable. Les larmes de Mathias, rendues fortement caustiques par l'excès sodo-magnésien du désespoir, détruisaient le pigment noir de la peau et du rose apparaissait. Trait de lumière. Mathias continue de pleurer. Mathias cacha soigneusement sa découverte à tous les quiconques de son entourage, mais chaque fois qu'il avait une minute, il courait s'enfermer chez lui, répandait par torrents de larmes de rage et s'en barbouillait avec une petite brosse toutes les parties du corps. Puis, pour écarter les soupçons, il se recouvrait de cirage bien noir et le monde n'y voyait que du bleu. Apothéose. Au bout de quelques mois, Mathias était devenu aussi blanc que M. Edmond Blanc lui-même. Un an s'est écoulé. C'est encore Noël et le réveillon. Tout le personnel se trouve rangé autour de la table présidée par Escargot et sa délicieuse fille, Maria Anna. On n'attend plus que Mathias. Tout à coup, un élégant gentleman, col droit irréprochable, escarpins vernis, ruban violet à la boutonnière, entre dans la salle. Personne dans l'assistance ne le reconnaît, sauf Maria Anna, qui ne s'y trompe pas une minute à ce regard-là. « Mathias » s'écrie-t-elle, « Mathias, je l'aime !» Et elle s'écroule sous l'émotion. El Señor Escargot n'avait plus aucune objection à élever contre le mariage des deux jeunes gens. L'hymen eut bientôt lieu. Et ils eurent tant d'enfants, qu'on renonça bientôt à les compter. Note. Le cigare ne se récolte pas sur les arbres, ainsi que beaucoup de personnes se l'imaginent à tort. C'est au contraire un produit manufacturé dont la fabrication exige beaucoup d'astuces et de tact. Deuxième note. Des personnes ignorantes pourront s'étonner de ce que des larmes assez caustiques pour détruire le noir puissent respecter le rose. Parce que, tas de brutes, la coloration rose de la peau n'est pas due à un pigment, mais bien au sang qu'on aperçoit par transparence.